Bonux Automatique, son premier cadeau, c'est la blancheur. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau cadeau bonus d'80s le podcast. Pour ce nouveau numéro, je reçois Mikado Twix. Ça va Mika ? Salut les petits clous ! Et Nico. Est-ce que ça Salut. Va ? Salut ! Oui, ça va très bien. Alors, si vous êtes chaud, c'est parfait. Donc, on va consacrer cette nouvelle émission à un grand nom du générique de séries télé et de dessins animés des années 80. Ah, enfin, on va en parler de Noam. Eh bien, pas du tout. Ah, nous allons parler de Lionel Leroy. Ah, Lionel Leroy. C'est qui ça? Et de son père Merlin. non, Lionel Leroy, c'est le pseudonyme utilisé par Yves Martin. Ah bah tout de suite, oui, ça me parle beaucoup plus. Ah oui, en grand fan dans les années 80, c'est sûr, ça nous parle. Donc Yves Martin était le vrai nom de Lionel Leroy, qui malheureusement pour lui était injustement effectivement oublié comparé à la tête d'affiche, à savoir Noam, qui est de suite associé sur les génériques des années 80. Donc nous allons aujourd'hui réparer ce crime et cette injustice en lui dédiant ce cadeau bonus d'80s. On va commencer ce balayage de la carrière de Lionel Leroy par une série somme toute un peu méconnue, mais quand même assez emblématique, la série Starsky et Hutch. Starsky et Hutch. Moi, j'ai déjà, comme on le dit à chaque fois, on en fera probablement une émission. Et moi, je suis intimement persuadé que la série a cartonné en France, justement, grâce à la chanson chantée par Leroy, quoi. Parce que moi, j'affectionne autant Noam, j'aimais pas trop. Je trouvais qu'on comprend pas ce qu'il dit. Et voilà, j'avais l'impression qu'il chantait en yaourt. Et puis si tu creuses un petit peu, en fait, il chantait réellement en yaourt parce que je comprenais pas ce qu'il disait. Je crois que c'était un jeune Israélien qui avait été revu ou recruté, je ne sais plus par. Enfin bref, qui avait été repéré et on lui demandait de chanter parce qu'il avait un très beau timbre de voix. Sauf que le môme ne comprenait pas ce qu'il chantait. Et pour en revenir à Leroy, moi j'aimais beaucoup sa voix parce qu'il a un timbre de voix un petit peu, enfin évidemment oui. Je le fais extrêmement mal, mais qui pour moi, enfin voilà, si je devais retenir une sorte d'intonation de voix des 80s, je retiendrais Leroy parce que je trouve que c'est extrêmement prononcé et marquant dans le générique de Starsky et Hutch. Surtout, les nouveaux chevaliers au grand cœur. Les nouveaux chevaliers alors que c'est des policiers, mais bon, à part ça... Voilà, c'est des chevaliers au grand cœur, quoi. Ouais, les chevaliers au grand cœur. Dans ma tête, c'était les chevaliers solitaires alors qu'ils étaient tout le temps ensemble, enfin bon. Eh ben, on va s'écouter bien évidemment ce générique de Starsky et Hutch par Lionel Leroy. Alors après ces fabuleuses aventures des chevaliers au grand cœur qui n'ont jamais peur. De rien. De rien. On vous invite à écouter la chanson complète qui dure plusieurs minutes. C'est les paroles sont géniales, quoi. Ah oui, ça tourne pas en rond, c'est parfait. Ouais, mais rien. Ouais, quand il y a une fille entre les deux, rien ne pourra briser l'amitié. Voilà. D'ailleurs, ça m'étonne que Mika n'ait pas chanté, mais bon, après. Peut-être que ça peut se négocier. En fin de podcast. On ne sait pas. Donc après, pour continuer la fabuleuse carrière de Lionel Leroy, on va parler un contre-pied total, à savoir Tofsi. Tofsi, c'est pas le blondinet là qui était sous extasy, le truc. Alors déjà, je me souviens de ce dessin animé, mais je ne sais plus si c'était un garçon ou une fille. Bah en fait, pour être tout à fait franc, j'ai jamais su non plus. Voilà, on est d'accord. je te cache pas que j'ai redécouvert Tofsi en préparant l'émission et j'ai halluciné, je me souvenais plus comme c'était le dessin animé sous en fait quoi. T'avais Téléchat, tu vois. Ouais. Et t'as Tofsi quoi, dessin animé. Et l'herbe musicale, on se demande où il va la chercher. Ouais. Son herbe musicale. Ouais, voilà. Et je vous invite vraiment à regarder des extraits. Bon, je pense que j'en mettrai quelques-uns parce que il y en a des croustillants. De mémoire, il me semble que c'est une série italienne. Bah, les mecs, je sais pas ce qu'ils prenaient, mais... C'était de la bonne. Elle était très, très, très bonne. Ah, l'herbe était bien musicale. Ouais. Elle était extrêmement musicale, l'herbe. Bon, on s'écoute ça. Effectivement, très musical. Ouais, mec, c'est super. Donc, après Tofsi et l'herbe musicale, notre ami Lionel continue ses magnifiques aventures dans un autre dessin animé que j'affectionne tout particulièrement, à savoir Dardar Motus. Et là, Alors là, je dégaine direct parce que j'ai fait voir le générique à mes enfants. Déjà, ils ont adoré parce que la musique, elle est extrêmement entraînante. T'as l'impression que tu vas marcher avec les bras ballants et tout parce que la musique, elle est extrêmement entraînante. Ah oui. Et mes enfants, c'est presque devenu un rituel. Ils me réclament le générique de Dardar Motus avant le coucher, quoi. La plupart du temps. Non, mais ça leur file la pêche, par contre. Ils sont tout énervés après. Bah ouais, c'est le problème aussi. Une sorte d'Albator en souris, quoi. Mais le dessin animé, pareil, hein, il était assez barré, hein, parce que moi, de mémoire, il me semble que ça passait sur Croc Vacances. Oui. Ouais. Et j'adorais. Mais j'ai jamais rien capté. En plus, t'as une sorte de Jabba the Hutt en ennemi, il me semble. Une espèce de gros crapaud. Je sais plus son nom, mais oui, c'est ça. Oui, c'est Là, c'est vraiment, j'ai rien préparé, c'est mes souvenirs qui parlent. Et son acolyte, c'était une taupe, si je dis pas d'annerie. Oui, c'est ça, oui. Donc, je pense que les mecs, ils prenaient la même chose que pour Tofsi, hein. On peut dire les choses, hein, mais peut-être qu'elle était moins bonne parce que Dardar Motus, il avait quand même la méga classe, quoi. Et la chanson de Leroy, elle est extraordinaire. Ouais, oui, et d'ailleurs, on va se l'écouter. Oui. Vêtu d'un bandeau sur un œil, peut-être pour tromper l'ennemi. Un agent secret se lève du fauteuil. Bon sang, mais c'est une souris. Ces deux grandes oreilles sont toutes roses. Deux lettres sur La souris aérodynamique. C'est, j'adore ce générique, c'est magnifique. C'est magnifique, Dardar Motu, je suis tout ému. Attends, tu t'entends pas le vinyle tourner quand tu écoutes cette chanson, franchement. Ah non, c'est, enfin, t'es à fond, quoi. T'as le manche disque orange qui tourne à plein tube, là. Hein. Ah, la musique de fond, enfin bref. Dolby Digital Mono et tout, hein. Ah ouais, enfin, monoral. Alors, bah écoutez, on va continuer les fabuleuses aventures de Lionel Leroy avec un Bomber X. Bomber X. En 1983. Alors là, je prends la main, parce que je suis obligé de balancer, je suis désolé, mais en préparant l'émission, il y a Sirf qui nous a fait part de sa non-connaissance de Bomber X, quoi. Moi, c'est, enfin, je tombe des nues parce que c'était vraiment le truc de marionnette ultime que tu pouvais voir dans les années 80, quoi. À mon corps défendant, je ne me souvenais pas du nom, mais dès que j'ai vu les images, je me suis rappelé, mais effectivement, c'est une sorte de Thunderbirds finalement. Absolument, c'est ouais, exact. Ouais, tout à fait. C'est mes versions japonaises, quoi, et avec un esthétisme. Moi, j'aimais pas trop Thunderbirds, mais autant Bomber X, j'adorais, quoi. J'aimais beaucoup l'esthétisme des personnages, quoi. Et quand j'étais, style très sympa, ouais. C'est marrant parce que quand j'étais petit, j'avais pas dit que c'était des marionnettes, quoi. Et tu pensais que c'était quoi? Je sais pas. Non, mais. Des gens bizarres. C'est ça. Des nains. J'aurais dû m'en douter avec le black, avec la grosse coupe afro et l'énorme menton, mais. Non, je le voyais comme. Hugo et Héraclès. Non, mais pour dire que je voyais pas les fils, tout ça, et que je le voyais un petit peu comme un dessin animé, quoi. Ouais. Parce qu'au niveau animation, bon, maintenant tu regardes, tu te dis, ok, d'accord. Mais quand j'étais petit, j'avais vraiment l'impression que c'était extrêmement bien animé, quoi. Et puis les robots, qu'est-ce qu'ils étaient classe, quoi. Et puis c'était Gonagai qui l'a fait, donc absolument. D'autres trucs Goldorak, Goldorak qui est pas mal. 8h30 de podcast sur Goldorak arrive bientôt, mais d'accord. Bon, bah, allez, on s'écoute le générique de Bomber X. Bomber X. Effectivement, Bomber X, le nom ne me dit absolument rien, mais c'est vrai que le visuel, tout de suite, j'ai retrouvé. Bon, alors après, on va... On peut le zapper. Tout ça, oui. On va parler de Sheila, qui... Alors, on n'a pas évoqué ce dossier, mais Lionel Leroy, quand même, est quand même le mari de Sheila, quoi. Et son producteur. C'était une très belle femme à l'époque. Quelle époque? C'est bien ça le problème. Avant l'opération, après, quelle opération? Les clichetons d'époque, quoi. Voilà. Elle avait des belles couettes, elle était mignonne comme tout à l'époque. Arrêtez quand même. Ouais, Spacer, tout ça. On se l'écoute. Non, je déconne. Donc, on va parler, hormis des histoires de cœur de Lionel Leroy, dont Sheila est le point central, du générique de Goldorak. Alors, le fameux Goldorak, dont Mikado, en préparant l'émission, nous a avoué qu'il ne connaissait pas du tout ce dessin animé. Donc, Mikado, Il y a une histoire avec cette chanson parce que c'est la version de la saison 2 parce qu'il faut savoir qu'en vrai c'est la c'est le troisième générique, parce que le tout premier générique, c'était la chanson de Goldorak qui est « Accours vers nous », etc. Qui était absolument la même musique que la version japonaise, mais évidemment avec les paroles françaises, et qui avait été critiquée à l'époque parce que ça parle de race, et que t'avais tous les trucs anti-racisme qui avaient râlé, et puis la musique, ça fait un petit peu marche impériale, donc ça gênait. Du coup, ils avaient un peu nuancé l'affaire en faisant chanter le Noam sur ce fameux générique. Ouais, comme ça, on comprenait rien, donc c'était... Voilà, c'est, il traverse tout l'univers, et puis je me souviens plus de la suite, parce que je comprenais rien. Où vient-il ? Qui est-il ? Absolument. Et pour un peu relancer la série, parce qu'à l'époque, ça se faisait énormément de changer les chansons des génériques, bah, ils ont fait appel à notre pote Lionel pour chanter le générique de Goldorak que personnellement j'aime pas trop. Et ça, c'était en 82, avant la version que les plus jeunes connaissent de Bernard Minet qui chantait Goldorak Go. Rétro laser en action. Rétro laser dans ton caleçon. parce qu'en fait, oui, effectivement, Bernard Minet, c'est un peu le Lionel Leroy des années 90. Bref, on s'égare. Bah écoute, on va s'écouter ce fabuleux générique de la deuxième saison de Goldorak. Dans l'espace infini, tu rejaillis à nouveau, le plus puissant des robots. Toi, Goldorak, prête à tous les assauts. Arcadius, qui te guide à le cœur si plein d'amour, l'amour de l'humanité, qui va de toutes ses forces protéger. L'aventure continue. Bon, et ben voilà, ouais. Le fabuleux robot est en nouveau Goldorak. Alors, ouais, enfin, quand même, on sent que, tu vois, un peu comme sous le modèle de Dardar Motus, tu sais que c'est des musiques entraînantes, moi, qui me portaient hein, quand j'étais enfant. Oui. Tu sais, vraiment, t'as envie de prendre ton vélo et de rouler en écoutant du Lionel Leroy à plein tube. Pour te prendre pour Goldorak ou faire ton Dardar Motus, si on l'a pas dit, mais il avait aussi une super bagnole à l'époque, quoi. Oui. Et je trouvais que ça, moi, même encore aujourd'hui, c'est un peu glauque, mais c'est surtout pour Goldorak, quoique c'est une chanson d'espoir, mais oui. C'est porteur de bonnes ondes, je trouve, même encore aujourd'hui, quoi. Mes enfants, je trouve que c'est un grand bonheur de leur faire écouter ce truc-là, quoi. Eh ben, justement, ça a bien vieilli. Justement, cette remarque tombe à pic. Ah, comme un certain homme que nous appellerons Cold Sivers. Donc, alors, petite histoire sur l'homme qui tombe à pic. Alors, a priori, selon les milieux autorisés et les sources que nous avons pu recouper après une enquête poussée, le générique de l'homme qui tombe à pic crédite notre ami Lionel Leroy. Scandale ! Mais en fait, ce n'est pas lui qui chante. Alors, Nico, explication. J'ai explication. En fait, il faut savoir que comme c'était un nom d'emprunt, Lionel Leroy, un pseudonyme, eh ben, en fait, il l'a apparemment prêté à d'autres chanteurs sur certains génériques. Et donc, le générique de l'homme qui tombe à pic, bah, c'est pas du tout le vrai, enfin, c'est pas du tout Yves Martin. Alors, c'est Lionel Leroy qui le chante, techniquement, mais c'est pas Yves Martin qui le chante. Et du coup, bah en fait, c'est une reprise de la version américaine en fait, où ils ont changé le, enfin ils ont mis des paroles françaises dessus en fait, tout simplement. Surtout que la voix a rien à voir. Quoi. Ouais, voilà, elle a rien à voir avec les autres chansons. Elle est un peu grave et tout. Enfin. Ouais, ouais. Bah en fait, c'est, enfin, le Cold Sivers, pour ceux qui connaissent pas, c'est un bon gros texan dans un gros camion, quoi. Et donc il chante de la country, ce qui est assez loin de ce que faisait Lionel Leroy, qui était beaucoup plus Alors, on va peut-être pas aller jusque là, mais c'est beaucoup plus lyrique, quoi, comme chant. C'est pas de la chanson de Redneck autour d'un feu de bois, quoi. mais elle est sympa, elle va bien avec la série, hein, la chanson. Franchement, j'hésite entre mettre cette news numéro 1 ou numéro 2 dans mon dans ma hiérarchie après avoir appris que Plastic Bertrand ne chantait pas Ça plane pour moi. Ah là là. Très honnêtement, j'ai, ouais, Lionel Leroy, le générique de L'homme qui tombe à pic, là tu m'as perdu. ensuite, alors bah écoutez, alors, on a un petit Ulysse 31 qui, bon, on va pas s'éterniser parce qu'on a déjà fait une émission dessus, mais donc Lionel Leroy nous a gratifié également d'un des génériques d'Ulysse 31. Moi j'aimais bien ce générique, surtout celui de fin, parce que c'était découpé en images et il y avait une ouais, sorte il de. Était de très classe. Il était assez également hyper psyché parce que tu avais une sorte de nébuleuse où tu vois à côté Ulysse et ses enfants marcher. Enfin, oui, il y avait un côté. Oui, ouais. J'ai beaucoup de nostalgie, bon, on en a déjà parlé, mais on va pas revenir dessus, mais j'ai beaucoup de nostalgie quant à. Là où on voit les robots, là. Exactement, oui. Voilà. Et où on voit les pieds, on a l'impression que c'est un robot, mais en fait non, c'est Télémac. Mais il a une espèce de démarche avec des grosses chaussures. C'est surtout jaunes. Pour se mettre au niveau de nos. Ouais, voilà. Enfin voilà, donc quel homme ce Lionel Leroy. Tant de génériques et si peu connus, c'est triste. C'est triste. Bon, et puis bah alors du coup pour terminer, alors, là je suis ému parce que c'est une série qui compte aussi beaucoup pour moi. On qui va, paraît qu'il y a une surprise en plus. On va parler de Pour l'amour du risque. Alors, l'amour du risque, je sais plus si c'est avec vous que j'en ai parlé. Juniper. Il me semble que c'est, pour moi, c'est la chanson que tu aimes chanter. Ouais. évidemment, en open space, quand personne s'y attend. Et si normalement, tu te débrouilles bien, tu reviens à 10 heures à la pause café et t'as la personne à qui tu l'as chanté qui est en train de la chantonner et qui te maudit sur 8 générations. Parce que c'est, pour moi, c'est évidemment pas celle que je préfère de Leroy, mais c'est celle qui s'incruste dans ton cerveau, quoi. Ah ouais, ouais. C'est l'amour. Enfin, voilà, tu le vinyle, tu le tournes avec tes propres mains. C'est tellement que la chanson, elle est marquante, quoi. Et puis pour le coup, comme tu le disais, moi je sais que quand faire la vidéo au gangster, j'avais envie de prendre mon vélo et de d'aller chasser du gangster, quoi. Tu vois. D'ailleurs, bon, on fera peut-être pas une émission sur l'amour du risque, parce que c'est, mais moi, petite confidence du soir, je kiffais l'amour du risque. Hein. Ah mais moi aussi. Ah Max et tout, j'étais à bloc. Ah, février. C'était beau. Moi, j'étais amoureuse. J'étais amoureuse. J'étais de Max. du Kleps. Moi, j'aimais bien la femme. Et en revanche, je me posais toujours la question pourquoi il s'ennuyait à faire les détectives alors que le type, il avait le salaire qui tombait tous les mois sans se poser de questions, quoi. Parce qu'en soi, il travaillait jamais, en plus, quoi. Bah, ah, parce que seul à pouvoir le faire. Non bah oui, c'est, enfin, je veux dire, ça a égayé leur quotidien. Il y en a qui font des cookies et il y en a d'autres qui mènent la vidéo aux gangsters. Non mais enfin bon. Ou alors qu'ils font des brochines. C'est évident. Ouais, par contre, ouais. Et puis alors très Mercedes. Hein. Que des Mercos. Ouais, mais en DK, que des Mercos. Que des capotables, quoi. Ouais. Ouais. Ah voilà. Non. Donc tout ça pour dire que. Tout ça pour dire qu'on va s'écouter. Cher poditeur, ouais, on vous aura prévenu, mais si vous écoutez ce générique. On met un warning dedans parce que vous allez la chanter 4 jours d'affilée. Voilà. Ah oui, donc, bon, bah, allez, on se l'écoute et dans 4 jours. L'amour du risque, Jonathan et Jennifer, les justiciers milliardaires. L'amour du risque, c'est vraiment leur grand affaire. Faire la vie dure au gangster. Jonathan Hoff, Jennifer Hoff, jouent leurs atouts sous les rois de toute la belle société. Jonathan Hoff, Jennifer Hoff. Thank you. enfin bref. Alors, chers auditeurs, nous voici de retour pour ce fabuleux numéro consacré à Lionel Leroy. Bon, je pense que les amis, vous serez d'accord avec moi pour dire qu'on a quand même bien fait le tour de ses activités, ses hauts faits d'armes. Merci à toutes et à tous. On se retrouve bientôt pour un nouveau cadeau bonus. Et puis, ben, on se quitte avec Spacer de Sheila and the Bee Devotion, le succès disco du début des années 80. À bientôt. Ciao. Salut, ciao. Ciao.